طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا عند قوله عليه رحمة الله المثال الخامس والسادس donc on est arrivé jusqu'à la parole où l'imam Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen évoque la cinquième et la sixième ambiguïté. نعم قال قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Au sujet du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, et il est avec vous où que vous soyez. Et dans notre verset, qu'il soit moins ou plus que cela, il est avec eux là où ils se trouvent. Deux versets qui évoquent Mada, la présence d'Allah Azza wa Jal. Ma'iyatullah. طيب قال الجواب أن الكلام في هاتين الآيتين في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره ولكن ما حقيقته وظاهره. Donc Cheikh Al-Uthaymeen répond en disant que en ce qui concerne ces deux versets, la parole de droiture est de dire que ils sont à prendre dans leur sens apparent et que leur sens apparent indique une vérité. Cependant, quel est le sens apparent et quelle est la vérité que recèlent ces deux versets ? هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم. Est-ce que le sens apparent et la réalité de ce verset indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien présent avec ses créatures ou que lui-même est à l'intérieur de l'une de ses créatures ou de ses créations. أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن لله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما نعم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. Ou bien le sens apparent est de dire que Allah est présent avec ses يعني Allah est présent madame avec sa création ou ses créatures يعني avec sa science, sa capacité, son ouïe, sa vue, sa gestion, son autorité et tout autre sens que recèle sa seigneurie. C'est-à-dire Allah, il est présent avec sa création. Quand on dit il est présent, c'est-à-dire il est présent de par sa science, de par sa vision, de par son audition, son ouïe. Si cela est juste de dire son oui, Assam, Naam. Quel est le sens alors, le premier ou le deuxième, Abdelmalek? Hein? C'est le premier sens qui est correct ou le deuxième? Alors, le deuxième. C'est-à-dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'Allah est avec vous, ça ne sous-entend pas qu'Allah est avec vous, son être est avec nous à l'intérieur de sa création. Non. Il est où Allah azza wa jalla? فوق العرش والعرش أعلى مخلوقاته وإن قلنا أن هناك فوق العرش الكتاب لكن عموما العرش أعلى مخلوقات أعلى مخلوقات الله. Donc Allah سبحانه وتعالى est au-dessus de tout. Son être est au-dessus de tout. Il ne sera jamais à l'intérieur de quoi que ce soit. Parce que le fait de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur de quelque chose, ça signifierait que cette chose-là est plus grande que lui. Et qu'elle le cerne. Impossible. Donc, on comprend d'une manière claire que le sens de ces versets n'est autre que le deuxième, c'est-à-dire qu'il est avec nous, il est avec ses créatures, de par sa science, de par sa capacité, de par sa vision ou autre. قال ولا ريب أن القول الأول لا يقتضي السياق لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل. Donc là, Cheikh Al-Uthaymeen te dit que même le contexte des versets n'indique pas que on doit comprendre qu'Allah est à l'intérieur de sa création. Pourquoi? Parce que le mot présence, al-ma'iyya, yani la présence qui est évoquée dans les versets, elle est en lien avec Allah Azza wa Jal. Si elle est en lien avec Allah Azza wa Jal, donc on se doit de la comprendre comme il convient à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Fahimtum? Qala li'anna al-ma'iyya huna udifat ila Allah Azza wa Jal wa huwa a'zamu wa ajallu min an yuhita bihi shay'un min makhluqatihi. Et donc comme ça a été comme cette présence là, elle est attribuée à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus majestueux, bien plus glorieux, bien plus grand pour que une de ses créatures puisse le cerner d'un quelconque point de vue. طيب قال ولان المعيه في اللغه العربيه التي نزل بها القران لا تستلزم الاختلاط او المصاحبه في المكان وانما تدل على مطلق مصاحبه ثم تفسر في كل موضع بحسبه. Et ensuite, en langue arabe, tout ce qui concerne la ma'iyya, la présence, ça ne sous-entend pas forcément que quand tu parles d'une présence, que cette présence est réelle et physique avec toi lorsque tu l'évoques. Par exemple, tu peux dire nous étions Kunna nasir wa al-qamaru ma'ana. Nous étions en train de voyager et la lune était avec nous. La lune était avec nous. Ça ne veut pas dire que la lune était présente avec nous au milieu de nous. Fahimtum? Donc le Cheikh Al-Uthaymeen il te dit que tout d'abord, on ne peut pas comprendre qu'Allah est présent avec ses créatures par les versets précédemment cités. Pourquoi? Parce que la présence là, elle est attribuée à qui? À Allah Azza wa Jalla. Et Allah est bien plus glorieux, bien plus grand pour qu'une créature ne puisse le cerner. Deuxièmement, parce qu'en langue arabe, lorsqu'on parle de ma'iyya, lorsqu'on parle de présence, ça ne sous-entend pas forcément une présence physique, yani, et un accompagnement. Tamam? Physique. Taïb. قال وتفسير معية وتفسير معية الله وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. Et le fait de traduire la présence d'Allah impliquant qu'il soit dans sa création, cela est caduque de plusieurs points de vue. Al-awwal annahu mukhalifun li ijma'i as-salaf fama fassaraha ahad minhum bidhalika bal kanu mujma'in ala inkarihi. Donc tout d'abord, premier point qui montre que c'est une pensée caduque, c'est que c'est contraire au consensus ou à l'unanimité ou à l'avis unanime des pieux prédécesseurs. Il n'y en a pas un seul qui a traduit cette présence par une présence physique à l'intérieur même de la création. Tamam. Thaniyan, athani, annahu munafin li'ulou Allah ta'ala al-thabit bil-kitab wa sunnah wal-aql wal-fitra wa ijma' al-salaf wa ma kana munafiyan lima thabata bidalil kana batilan bima thabata bihi dhalika al-munafi wa ala hadha fayakunu tafsiru ma'iyyatillahi li-khalqihi bil-hulul wal-ikhtilat batilun bil-kitab wa sunnah wal-aql wal-fitra wa ijma' al-salaf. Deuxième point, parce que tout simplement, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute chose, c'est affirmé dans le Coran, c'est affirmé dans la Sunna, c'est affirmé même par la raison, c'est affirmé par la nature saine et c'est affirmé aussi par l'unanimité des l'avis unanime des salafs, des pieux prédécesseurs. Donc si on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien présent, ça sous-entendrait de réfuter cet attribut qui est l'attribut de Al-Ulu, l'élévation, qu'Allah est au-dessus de toute chose. Et de surcroît, ça viendrait à dire que ou on pourrait dire que le fait de penser qu'Allah est à l'intérieur de sa création, c'est réfuté par le Coran, par la Sunna, par le Aql, et aussi par la prime nature et la vie unanime des pieux prédécesseurs. Al-Thalith, annahu mustalzimun lilawazim batila la taliqu billahi subhanahu wa ta'ala wa la yumkinu liman arafa allahu ou liman arafa allaha ta'ala وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله تعالى لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة وجاهل بعظمة الله. Troisième point, le fait d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent dans sa création, ça impliquerait beaucoup d'implications qui sont beaucoup d'autres implications qui sont caduques et qu'en vérité toute personne qui a appris à connaître Allah Azza wa Jal et qui lui voue un respect et qui lui accorde la valeur qu'il mérite ne peut atteindre une telle compréhension. Fahimtum? نعم فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته. Donc si on a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être qualifié ou considéré comme étant dans sa création, donc qu'est-ce qu'on dit dans les, en ce qui concerne les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa huwa ma'akum wa huwa ma'ahum, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Allah il est présent et il est présent de par sa science, de par sa capacité, de par sa vision, de par sa gestion, de par son autorité. Et en même temps, on affirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus du arsh, et voilà, au-dessus de toutes choses. مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنهما حق ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية نعم قال فلما قال نعم ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. Ensuite, Cheikh l'Islam, il évoque que la présence d'Allah, lorsqu'on parle de la présence d'Allah Azza wa Jal, en fonction du contexte du verset ou du hadith, on aura une certaine compréhension de cette présence. قال فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il sait ce qui s'enfuit, ce qui rentre dans la terre et ce qui en sort. Il sait ce qui rentre dans la terre, sous la terre, et ce qui en sort. Jusqu'à ce qu'il dise et il est avec vous où que vous soyez. Là, le contexte de la phrase, le contexte du verset, il nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est avec vous par quoi? Par sa puissance, par sa gouvernance, par quoi? Hein? Eh bil'ilm. Huwa ma'akum eh bil'ilm. Hadha alladhi taqtadi siyaq al-aya. Ahsant. دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية مقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عالم بكم وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه إنه معهم ب... Donc le contexte du verset nous indique clairement que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il est avec nous, c'est-à-dire, il est avec nous par sa science. C'est-à-dire qu'il nous cerne de toutes parts, il sait nos faits et gestes, et il est témoin de tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous concerne. وَهَذَا ظَاهِرُ الْخِطَابُ وَحَقِيقَتُهُ وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. Pareil pour l'autre verset que je viens de vous citer, le verset 7 de sourate Al-Mujadala. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. Et lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit, comme c'est rapporté dans le Coran al-Karim, لا تحزن إن الله معنا, il dit à Abu Bakr, ne t'attriste pas lorsqu'ils sont dans la grotte, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. طيب لا المعية تقتدي إيش, il est avec nous par quoi? بقوته بقدرته أي بحفظه ونصره. Tout ça, c'est ce qu'on comprend de la ma'iyya d'Allah fi hadhihi al-aya. قال كان هذا ايضا حقا على ظاهره ودل الحال على ان حكم هذه المعيه هنا Donc le verset là où, dans lequel il est évoqué la parole que le prophète alayhi salatu wasalam a dit au prophète a dit à Abu Bakr, il indique clairement, il est dans un contexte où on comprend clairement que la présence d'Allah visée par ce verset n'est autre que son assistance et son appui, son secours. Mixer. Ah, c'est Allah al-Musta'an. Taïeb. Vous avez compris ça, Yahwan? Ah, taïeb. قال ثم قال فلفظ المعية فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في المواضع الآخر. هذه فائدة. Donc le terme présence, en fonction du contexte de la phrase, il aura certaines implications qu'il n'aura pas dans un autre contexte. Fahimtum ? Donc là, par exemple, qu'on dise qu'Allah, quand le prophète sallam, il dit « La tahzan inna Allah ma'ana », là, on ne va pas simplement dire que... c'est-à-dire il est avec nous par sa science. Non. Là, ça sous-entend, bien plus que cela, il est avec nous par sa protection, par son soutien, par son assistance. Fahimtum ? En fonction du contexte du verset. Qala fa'imma an takhtalifa dalalatuha bihasab al-mawadi' aw tadullu ala qadri mushtarakin bayna jami'i mawaridiha wa in imtaza kullu mawdi'in bi khassiyatin فعلى تقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطا أو مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. Donc Cheikh l'Islam il te dit, soit en fonction du contexte on va comprendre un sens ou plusieurs propres au contexte, ou soit on peut rassembler tous les sens. Le contexte, il permet qu'on rassemble tous les sens propres et qui conviennent à la présence d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il est présent avec sa science, il est présent avec sa force, il est présent avec sa qudra, sa capacité, il est présent avec son secours et son assistance. Mais en aucun cas, lorsque on parle de présence d'Allah Azza wa Jal, en aucun cas il nous vient à l'esprit de penser qu'il est dans sa création. Donc ça ne peut en aucun cas être compris comme un changement du sens apparent. Parce que là, on est en train d'évoquer les ambiguïtés des différentes sectes avec lesquels ils débattent avec les gens de la sunna. Ils disent, vous changez les textes de leur sens apparent. Par exemple, Allah il dit qu'il est avec vous. Vous dites qu'il est avec vous par sa science, il est avec vous par ceci. Donc vous changez les textes de leur sens apparent. Nous, on leur dit non. Le sens apparent, c'est bel et bien celui que nous vous affirmons, qu'Allah est présent avec sa science, avec sa capacité, avec sa vision et autres. طيب سمعت في هذا القدر في هذا